Mais quand on regarde bien les chiffres ou la réalité du terrain, ça représente qu'une infime partie des gens qui vivent en banlieue et dans les quartiers. Je pense que c'est plus dans une optique de continuer à stigmatiser, à stigmatiser, à stigmatiser, à stigmatiser, à stigmatiser, à stigmatiser. Tu veux pas qu'on te stigmatise ? Alors arrête un peu de fermer une bêtise. Putain les boucades, vous faites chier sans bêche. On va vous atomiser le mec. Partout où tu fous les pieds, comme par hasard, ça devient les merdiers. Boule trisomie partout où tu te seras. Sur ta vieille bête de tronche, je ferai une gueule à plat. À la richesse du pays, ils s'estiment stigmatisés. One, two, three, retourne en Algérie. One, two, three, retourne en Algérie. One, two, three, retourne en Algérie. One, two, three, return in Algérie. One, two, three, retourne en Algérie. One, two, three, retourne en Algérie. One, two, three, retourne en Algérie. One, two, three, return in Algérie. Air Algérie, always caring for you. Algérie, où baiser ma grenade, la mégapolis se fout de toi. Algérie, où baiser l'Afrique, à tous les héros et cocatrices de toi. Lance une nouvelle promotion tarifaire. On allait, on allait, on allait, on allait, on allait, on allait, on allait, on allait,